Got it all figured out, baby. You go. The way you move, the way you say, yeah, I'm okay. You got it all figured out, baby. The way you move, the way you say, I'm okay. It doesn't mean anything, doesn't mean anything, doesn't mean anything. Yeah. the way the things you say that you do, I just can't help it. Thank you. C'est bien comme ça, non? C'est différent, c'est pour cela. Moi, le gars. Try to get. C'est bien le dissonant, c'est bien. Oui, oh oui, oh oui, oh oh. Oui, oh oui, oh oui, oh. Oui, oh oui, oh oui, oh oh. Pa pa pa la pa pa la pa. Pa la pa la pa pa la pa. Pa la pa la pa pa. La drogue, ça fait des ravages. Sur la seconde et sinon c'est une chasse. sorry, Akis Rhodes. I'm sorry. You have only one channel. It's really hard to hear you. Can you fix it? Thank you. Coupé, il n'a pas raccroché, mais il s'est pas raccroché, il appuie sur le bouton, parce qu'il appuie sur le bouton, il n'a pas raccroché, il nous entend encore, tu crois qu'il nous entend encore?